Chapitre 23e. Adieu pour la vie. Barbara vivait au bord de la mer. Lady Isabelle, étendue sur un lit de douleur, faisait de jour en jour un pas vers la tombe, pauvre Isabelle. Elle était restée à East Lynne, pendant l'absence de Madame Carlyle, que dans l'espoir de se trouver seule avec ses enfants. Hélas, l'homme propose et Dieu dispose. Cette satisfaction lui fut refusée. Lucy et Archibald furent confiés aux soins de Mademoiselle Cornélie. Carlyle, par intérêt pour l'institutrice, afin de lui donner quelque repos, avait lui-même pris cette mesure. Mais ce fut pour elle, hélas, un désenchantement cruel. Elle les vit partir, partir pour toujours, sans espoir de les revoir jamais. La maladie faisait d'effrayants progrès, et Lady Isabelle le savait. Elle sentait la mort l'envahir peu à peu. C'était triste, horriblement triste. Elle eût voulu aller mourir ailleurs, depuis longtemps même. Cela avait été chez elle un désir arrêté. Mais il était trop tard pour songer à quitter maintenant East Lynne. La mort l'avait marquée de son terrible sceau. Elle s'éteignait rapidement, comme s'était éteinte sa mère. L'endroit qu'avait choisi Barbara pour prendre les bains de mer n'était pas très éloigné, à une distance de 8 ou 10 lieues à peu près. On pouvait s'y rendre en quelques heures, et Carlyle y allait tous les soirs, retournant le matin à son étude pour vaquer à ses affaires. La semaine qui suivit celle du départ de sa femme, Carlyle s'absenta d'East Lynne pendant 3 jours, et ce fut pendant ces 3 jours que la santé d'Isabelle empira d'une manière formidable. Carlyle, qui était parti un samedi, ne devait être de retour que le mercredi suivant. Joyce ne savait que faire, quel parti prendre. Elle comprenait qu'Isabelle se mourait, et elle se demandait avec frayeur ce qu'allait devenir ce terrible secret dont elle seule avait connaissance. Il faudrait de toute nécessité le révéler, le confier à son maître, à sa maîtresse. Et alors, que dirait-on? Que penserait-on de sa conduite? Ne serait-elle point compromise? Ne l'accuserait-on point de complicité? Plus d'une fois, elle fut tentée d'aller trouver Mademoiselle Carlyle et de lui tout avouer. C'était la fin d'une belle après-midi. Le soleil n'éclairait plus que faiblement la terre. Isabelle, la tête renversée sur son oreiller, semblait suivre d'un regard mélancolique les derniers sourires de l'astre mourant. Joyce se tenait debout auprès de la couche funèbre, donnant tous ses soins à la malade, l'aidant à se soulever et plaçant derrière elle de moelleux coussins destinés à soutenir ses membres endoloris et meurtris. Toute la journée, Isabelle avait été sans connaissance. Maintenant, elle paraissait revenir à la vie. Elle respirait avec peine, cependant, et une toux sèche s'échappait de sa poitrine. Joyce, comprenant qu'elle avait besoin d'air, entr'ouvrit la fenêtre. Tout à coup, sur le sable du jardin, des pas se font entendre. Isabelle, par un violent effort, se dressa subitement sur son lit. Son pâle visage se colora légèrement. Ses yeux ternis hagards, démesurément agrandis par la souffrance, s'illuminèrent soudain d'un rayon de bonheur. Oh non, elle ne se trompait point. C'était bien le son de ses pas qu'elle avait reconnu. C'était bien Carlyle qui arrivait à cette heure suprême. « Joyce !» cria la mourante, d'une voix perçante et douloureuse à entendre. « Qu'avez-vous mal, Lady ?»« C'est lui. » balbutia-t-elle, c'est lui, j'en suis sûr, Joyce. Je ne peux mourir sans le voir, Joyce. Dites-lui qu'il vienne. Y pensez-vous, ma lady, lui, monsieur Carlyle? Je n'ai plus que quelques instants à vivre, mais je ne mourrai point avant qu'il ne vienne. Il y a si longtemps que j'aspire à cette joie. Joyce, ne me refusez point. Ma lady, ce que vous me demandez là est impossible, impossible. Les larmes coulaient brûlantes sur les joues caves d'Isabelle. Joyce, reprit-elle d'une voix suppliante, « on ne meurt pas tant qu'on a un souhait à accomplir. Mon cœur ne cessera de battre que quand je l'aurai vu. Oh, ne prolongez pas inutilement mon agonie. Vous avez éloigné de moi mes enfants. N'éloignez point mon mari. Joyce, Joyce, m'entendez-vous ?» Son mari, infortunée créature. Joyce avait l'esprit à la torture. Elle s'efforçait de maîtriser sa puissante émotion. Elle s'efforçait de refouler en son cœur les larmes qui s'échappaient de ses yeux. Elle s'efforçait de demeurer inébranlable dans sa résolution première. Il y eut un instant de silence solennel, puis on entendit quelqu'un s'approcher et frapper à la porte. « Entrez !» fit Joyce. « Notre maître voudrait vous parler. » s'écria Sarah, la servante, en jetant un coup d'œil dans la chambre. « C'est bon, » répliqua Joyce. « Dites que je viens à l'instant. »« Il est dans la salle à manger, avec le jeune Arthur, » ajouta Sarah en s'en allant. Lorsque Joyce se présenta devant son maître, elle le trouva en train de jouer avec le petit Arthur. Celui-ci sautait et grimpait sur le dos de son père en riant à gorge déployée. « Comment va Madame Vine ?» demanda l'avoué. Joyce, en proie à la plus vive émotion, ne sut tout d'abord que répondre. Toutefois, elle comprit qu'il fallait en finir d'une manière ou d'une autre. « Elle est bien mal, monsieur, bien mal, » répliqua-t-elle. « pire que lorsque je l'ai quittée ?» demanda Carlyle. « Elle est mourante, monsieur. » Carlyle, surpris et ému, se débarrassa du jeune Arthur en le plaçant sur une chaise. « Mourante, dites-vous ? Elle ne passera pas la nuit, j'en suis sûr. »« Mais enfin, s'écria Carlyle, je n'en reviens point. Je ne la croyais pas aussi sérieusement malade. Est-il survenu quelque chose ?» Joyce demeurait immobile et silencieuse, la tête penchée sur sa poitrine. « Avez-vous appelé le docteur Martin ?»« Non, monsieur, cela eût été inutile. »« Comment inutile ? » répéta Carlyle. « Est-ce ainsi que l'on traite une pauvre femme qui se meurt ? Mais c'est une indignité. Si Madame Vine est vraiment aussi mal que vous le dites, il faut sur le champ faire jouer le télégraphe et prévenir le médecin. J'irai la voir moi-même, » ajouta-t-il vivement en s'approchant de la porte. « Oh non, cela est impossible, monsieur !» s'écria Joyce en se plaçant hardiment devant son maître. « Excusez-moi, » ajouta-t-elle avec respect, « mais il ne faut pas songer à pénétrer dans cette chambre. »« Pourquoi cela ?» demanda Carlyle, qui s'imaginait que Joyce ne s'opposait à son désir que par une pruderie de mauvaise aloi. « Vous ne pouvez agir de la sorte sans offenser Madame Carlyle, » ajouta Joyce avec une vivacité fébrile. Carlyle s'arrêta tout ébahi. « Allons, vous avez perdu la tête, Joyce. Pensez-vous que pendant l'absence de Madame Carlyle, je dois abandonner ainsi une malheureuse créature ? Dites à Madame Vine que j'irai la voir tout à l'heure. » Joyce fut sur le point d'avoir des attaques de nerfs. Elle s'empara du jeune Arthur et le portant là, dans la pièce où couchaient les enfants, elle le confia aux soins de Sarah. C'était l'heure du dîner, et Carlyle allait se mettre à table lorsque sa sœur arriva tout effarée devant lui. Elle venait d'avoir une discussion assez vive avec les locataires de sa maison, et elle accourait à son frère pour le prier d'intervenir ou de l'aider de ses conseils. Mais Carlyle, avant de consentir à l'entendre, l'invita à se rendre auprès de Madame Vine, lui annonçant qu'elle était mourante. « Mourante ?» fit Cornélie d'un air moqueur et incrédule. « Si c'est Joyce qui vous a conté cette belle histoire, cela ne me surprend point. J'ignore ce qu'elle a depuis quelque temps, mais elle me fait l'effet d'être tant soit peu toquée. » Mademoiselle Carlyle se débarrassa de son chapeau et de sa mantille, se mira dans la glace, passa une ou deux fois la main sur ses cheveux comme pour les lisser, puis, en un clin d'œil, elle escalada l'escalier et s'en fut frappée à la porte de Madame Vine. Joyce vint ouvrir, et en apercevant Mademoiselle Carlyle, elle devint pâle de frayeur et fut prise d'un tremblement convulsif. « N'entrez point, madame, n'entrez point » balbutia-t-elle en se plaçant devant la porte entrouverte de manière à en obstruer l'entrée. « Et qui m'en empêchera ?» demanda froidement Mademoiselle Carlyle. « Voyons, veuillez vous retirer, Joyce. Il me semble que vous perdez la raison. » Joyce comprit qu'il serait imprudent et ridicule à elle de lutter plus longtemps. Elle se rangea de côté pour laisser passer Mademoiselle Carlyle, et dès que celle-ci fut entrée, elle s'enfuit toute tremblante. Ah, le masque n'était plus possible à présent. Il n'y avait plus moyen de se tromper soi-même ou de tromper les autres. Elle était là, Lady Isabelle, la tête appuyée sur l'oreiller. Tous ses traits torturés, travaillés par la souffrance, étaient en vue maintenant. Les lunettes, le bandeau de velours, l'immense capeline, tout ce dont elle s'était servie, en un mot, pour mieux se déguiser, pour mieux se vieillir et se défigurer. Tout cela devenait inutile aujourd'hui que la mort allait la livrer inanimée et froide au regard de tous. Elle était là, disons-nous, la fille de Lord Mountsavern, et bien que sa figure fût horriblement changée, elle n'était point méconnaissable. Ses cheveux gris, qui retombaient maintenant en mèches courtes et flétries le long de son cou, c'étaient les mêmes qui jadis encadraient de leur beau noir d'ébène un visage jeune et radieux. Ses yeux ternes et hagards, c'étaient aussi les mêmes d'où rayonnaient autrefois tant de pureté naïve. « Dieu du ciel !» s'écria Mademoiselle Carlyle, en reculant épouvantée à l'aspect de ce fantôme. Tous deux se regardèrent sans proférer un mot, le cœur pantelant, la poitrine oppressée. Bien qu'un jour, en une certaine circonstance, Cornélie avait été frappée de l'étrange ressemblance qu'offrait Madame Vine avec Lady Isabelle, cette ressemblance ne s'était à vrai dire présentée à elle que d'une manière vague et n'avait fait que traverser rapidement son cerveau. « Comment avez-vous pu vous décider à entrer dans cette maison ?» demanda Cornélie dès qu'elle recouvrait sa présence d'esprit. Lady Isabelle croisa sur sa poitrine ses mains décharnées. « Pitié, pitié » soupira-t-elle. « Si je suis revenue ici, c'est à cause des enfants. Je voulais les revoir. Je ne pouvais plus vivre loin d'eux. Pardonnez-moi, Cornélie. Je me meurs. Je vais auprès de Dieu, qui juge et qui châtie. Vous avez mon pardon. Merci, merci, poursuivit la pauvre femme. Je vais mourir plus heureuse. J'ai foi en mon sauveur. Ce n'est pas pour de bonnes âmes comme la vôtre que je suis venue sur la terre, c'est pour les âmes pécheresses, des âmes comme la mienne. De bonnes âmes comme la vôtre. » Ces paroles prononcé d'une voix lente et solennelle, allèrent droit au cœur de Cornélie, le pénétrant comme d'un fer rouge, réveillant en elle les plus cuisants remords et l'obligeant à faire sur elle-même, sur sa conduite passée, un sérieux retour. « Mon enfant, » fit-elle d'une voix doucereuse, en s'approchant lentement d'Isabelle et en se penchant vers elle. « Avez-vous des reproches à m'adresser? Ai-je contribué à ce qui est arrivé, à votre fuite ?»« Non, » répliqua Isabelle en secouant tristement la tête. « Non, je suis seule coupable. Je n'étais pas très heureuse avec vous, mais j'aurais dû me résigner à cela. Si je suis partie, ce n'est nullement à cause de vous. Vous me pardonnez, n'est-ce pas, mademoiselle? Vous me pardonnez. Vous pardonnez-moi? Oh oui, je vous pardonne, pauvre créature !» poursuivit Cornélie, en proie à la plus touchante émotion et en serrant fortement dans les siennes les mains amaigries de la mourante. « J'aurais dû m'attacher à vous rendre la vie plus douce et plus agréable. Si je ne l'ai pas fait, je le regrette. J'en ai éprouvé depuis longtemps de bien cruels remords. » Lady Isabelle l'attira vers elle, la pressa contre son cœur et lui murmura tout bas. « Archibald, où est-il? Il faut que je le voie. Que je le voie une fois encore, que j'entende sa voix, que je sache qu'il me pardonne. » « Oh, ne me refusez point. Joyce m'a refusé. Ne faites point comme elle. Vous le voyez. Je me meurs. Il ne me reste plus qu'un souffle de vie. Laissez-moi le lui offrir. Cela ne sera nuire à personne. Cornélie, Cornélie, dites-lui de venir. » Mademoiselle Carlyle courba la tête en signe d'assentiment, et comprenant qu'il n'y avait pas un instant à perdre, elle quitta la chambre toute hâte. Joyce était là sur le palier, appuyée contre la muraille, s'essuyant les yeux au moyen de son tablier. Mademoiselle Carlyle lui fit signe d'approcher. « Comment avez-vous su tout ceci ? » demanda-t-elle. « Au printemps dernier. Depuis cette nuit, nous avons cru que le feu était à la maison. Tout d'abord, je l'ai prise pour un spectre, et depuis lors, j'ai craint de révéler ce mystère, et j'ai vécu sans cesse sur des épines. »« C'est bon, » interrompit Cornélie, « allez prévenir votre maître, dites-lui que j'ai à lui parler. »« Oh, madame, » repartit Joyce en tremblant, « pensez-vous qu'il soit prudent d'avertir monsieur de lui confier ce secret ?» « Faites ce que je vous ai dit, » insista Mademoiselle Carlyle, « et laissez-moi tranquille. » Joyce alla s'acquitter du message et l'avoué vint aussitôt trouver sa sœur. « Madame Vine est donc plus mal, » fit-il avec anxiété. « Est-elle disposée à me recevoir ?»« Oui, vous pouvez entrer, » répondit Cornélie en entr'ouvrant la porte. Au moment où il allait pénétrer dans la chambre, Joyce, qui était accourue derrière lui, s'empara vivement de son bras et l'étreigna avec force. « Maître, maître, attendez un moment. » Il faut vous préparer à cet événement. Il faut qu'on vous avertisse. » Carlyle fixa tour à tour sur sa sœur et sur Joyce des yeux étonnés. Mademoiselle Carlyle, toujours si ferme, si sévère et si impassible, avait peine maintenant à cacher son émotion. Un tic nerveux mettait en mouvement les deux coins de sa bouche. En vain, s'efforçait-elle de donner à son visage et à ses manières une apparence de calme et de sang-froid. Elle n'y put réussir. Joyce, de son côté, n'était pas moins bouleversée que sa maîtresse. Ses genoux fléchissaient sous elle, et il lui fallut, pour se soutenir, s'appuyer contre la rampe de l'escalier. Carlyle les crut folles toutes deux, et voyant qu'il ne pouvait obtenir aucune explication, il fronça le sourcil et pénétra hardiment dans la chambre à coucher. Joyce et Mademoiselle Cornélie restèrent en dehors sur le palier après avoir soigneusement refermé la porte. Carlyle marcha droit au lit, sans hésitation aucune, apportant avec lui quelques paroles de consolation. « Je suis vraiment attristé, Madame Vine. » Puis il s'arrêta brusquement et demeura immobile, terrifié, les bras ballants le long de son corps, les yeux fixes et les lèvres tremblantes. Qu'était-ce? Que venait-il d'apercevoir là, sur cette couche? Un spectre? Non, un fantôme, le fantôme d'Isabelle. Il passa sa main frémissante sur son front, comme pour chasser loin de lui cette vision pénible. Mais force lui fut de reconnaître qu'il n'était pas le jouet d'un rêve. Alors, de plus en plus effrayé, il recula d'un pas en arrière. « Archibald !» soupira la mourante en étendant vers lui ses deux mains suppliantes. « Archibald !» répéta-t-elle en se penchant hors du lit et en s'emparant convulsivement du bras de Carlyle. « Ne vous en allez pas. Restez, restez un moment. Parlez-moi. Dites-moi que vous me pardonnez et je mourrai heureuse. »« Isabelle !» balbutia-t-il sans trop comprendre ce qu'il disait. « Isabelle, étiez-vous donc Madame Vine ?»« Oui, pitié !» Pitié pour mes souffrances. J'ai profité de ce qu'on me croyait morte, tuée dans le chemin de fer, pour m'introduire ici chez vous, sous un autre nom. Oh, pardonnez-moi! Carlyle ne savait que dire, que penser, sa tête était en feu. Je ne pouvais plus rester éloigné de vous, continua Isabelle, éloigné de mes enfants. Cela me torturait le cœur, j'en étais folle. Depuis que j'eus la bassesse de vous quitter, je n'ai plus su ce que c'était que la paix de l'âme, la douce paix de la conscience. Le remords s'est attaché à mes pas dès l'instant même où j'ai eu franchi le seuil de cette demeure. Il s'est acharné après moi, il m'a suivi comme mon ombre. « Tenez, Archibald, tenez » ajouta-t-elle dans le délire de la fièvre, en lui montrant ses bras atrophiés et sa chevelure presque grise. « Voilà ce qu'a fait le remords. J'ai souffert autant qu'il est possible de souffrir. J'ai expié ma faute par les tourments les plus atroces. Soyez clément, soyez généreux, ne me maudissez point. »« Pourquoi vous êtes-vous enfui ?» demanda Carlyle d'un ton grave, presque sévère. « Comment ? Ne l'avez-vous donc jamais su ?»« Jamais. Pour moi, cela a toujours été un mystère. Eh bien, sachez-le maintenant. Je ne vous ai quitté que parce que je vous aimais beaucoup. » Carlyle tressaillit involontairement. Un sourire d'incrédulité et même de mépris courut sur ses lèvres. « Oh ! Ne me regardez pas ainsi !» poursuivit la malheureuse femme. « C'est à peine si je puis parler. Vous le voyez ? Mes forces s'en vont, mais il m'en reste encore assez pour vous convaincre. Je vous ai aimé tendrement, je vous ai aimé à la folie, et c'est là ce qui m'a perdu. J'étais jalouse. Jalouse, m'entendez-vous ? J'ai cru que vous me trompiez, que vous aviez donné votre cœur à une autre. Et alors, n'obéissant qu'aux fureurs de cette jalousie, n'écoutant que mon ressentiment, j'ai fini par céder aux sollicitations de cet homme infâme qui me souffrait artificieusement à l'oreille des paroles de vengeance. Mes soupçons étaient injustes et sans fondement, n'est-ce pas ? Carlyle était parvenu à reprendre son calme, en apparence du moins. Debout, auprès du lit, les mains croisées sur sa poitrine, il contemplait Isabelle. « Oh, répondez-moi, » reprit-elle avec ardeur, « je vous soupçonnais à tort, n'est-ce pas ?»« Comment pouvez-vous me le demander ?» répliqua l'avoué, « le connaissant comme vous me connaissiez alors, comme vous avez dû me connaître depuis. »« J'étais folle, Archibald, oui, j'étais folle, c'est là ma seule excuse. Vous me pardonnerez. » « Vous oublierez le passé, n'est-ce pas ?»« Vous pardonnez, oui, je vous ai pardonné. Oubliez, je ne le puis pas. »« Oh, ne parlez pas ainsi. Promettez-moi d'oublier le passé, » continua-t-elle, tandis que sur ses joues caves les larmes coulaient brûlantes. « Ne songez plus qu'à ces jours si heureux où vous me connûtes, ici même, chez mon père, sous le nom d'Isabelle Vane. Que le souvenir que vous conserverez de moi soit celui de la jeune et innocente fille d'alors. Oh !» Vous en souvenez-vous, Archibald, de ce temps béni ? Vous rappelez-vous avec quelle adorable tendresse vous me consoliez lorsque mon père est mort ? Et ce billet de banque que vous laissâtes tomber un jour de votre cœur généreux sur les genoux de la pauvre orpheline, vous en souvenez-vous ? Et votre visite à Castlemaining ? Et ce premier baiser que vous me mîtes sur mes lèvres ? Et ensuite, Archibald, après notre mariage, ces heures si bien remplies, si bien occupées par nos folles tendresses, et la naissance de notre petite Isabelle, ma maladie, ma convalescence, votre joie, votre gratitude envers Dieu, lorsque vous me vîtes tout à fait rétabli, vous en souvenez-vous ? Oh oui, il s'en souvenait, l'excellent homme. Mais son cœur se fut brisé. S'il eût répondu à toutes ces questions, d'une main, il appuya contre ce pauvre cœur comme pour comprimer les battements. De l'autre, il jouait machinalement avec les doigts effilés et longs de la mourante. Avez-vous aucun reproche à me faire ? Demanda-t-il avec douceur. « Des reproches ? » répéta-t-elle. « à vous, qui m'avez comblé de bienfaits et d'amour. Oh, quand je songe à toutes vos bontés pour moi, à toute votre tendresse, je m'étonne que je puisse vous regarder encore en face. Mais j'ai expié ma faute. Oui, je l'ai cruellement expiée. Pensez donc aux tortures innombrables et incessantes que j'ai dû endurer ici même, depuis que je suis de retour dans cette maison. Pensez à ce que j'ai dû souffrir en vous voyant aimer votre femme et lui donner tous ces témoignages d'amour dont vous m'entouriez jadis. Oh, je vous ai aimé éperdument, surtout depuis que j'ai perdu tout droit à votre amour. Pensez aussi, pensez aux inquiétudes, aux angoisses de mon cœur, lorsque j'ai vu s'en aller peu à peu, mon pauvre William, lorsque je me suis vu seul avec vous, à son lit d'agonie, sans pouvoir, sans oser m'écrier, mon enfant, et lorsque lui, le pauvre petit, était mort. Je vous ai entendu consoler votre femme, quand moi, sa mère, je n'avais personne pour me consoler, pour soulager ma vraie douleur. Ceci fut affreux, ce fut un châtiment de Dieu. Quel motif a pu vous pousser à revenir ici ? Demanda Carlyle. Je vous l'ai dit, mon amour pour vous et pour mes enfants. Cela était mal, très mal, Isabelle. Oui, je le sais, je le comprends. Mais vous savez maintenant combien le ciel m'a puni pour cette faute. J'aurais voulu mourir ailleurs, mais la mort ne l'a pas voulu. La mort est venue me surprendre subitement et à l'improviste. » Isabelle s'arrêta un moment, oppressée, haletante, car là il demeurait silencieux. « Oui, reprit-elle, c'était mal. Tout ce que j'ai fait est mal. Cette entrevue que nous avons ensemble en ce moment, cela encore est mal. Et cependant, cela est sans conséquence, n'est-il pas vrai? Je vais mourir. Je me meurs. C'est à peine s'il me reste un souffle de vie. Quel tort cela peut-il vous faire? Qui oserait blâmer ce dernier adieu? Autrefois, Archibald, vous étiez mon mari, et me sentant mourir, j'ai voulu emporter avec moi dans la tombe votre pardon. Oh, que ne puis-je ressaisir l'existence qui s'en va, le bonheur que j'ai perdu, me retrouver ici comme jadis, votre femme bien-aimée. Ne le voudriez-vous point, Archibald? Cela ne vous serait-il point agréable? » Elle lui fit cette question d'une voix palpitante d'émotion et en fixant sur lui un regard plein d'anxiété et d'amour. « Je le voudrais pour vous, » répliqua Carlyle avec calme et en s'efforçant de ne laisser paraître sur son visage aucune trace de l'agitation qu'il éprouvait. « Allons, tout est fini, » dit-elle en poussant un profond soupir. « Je vais partir. Je vais les retrouver, William. Je laisse derrière moi deux autres enfants. » Soyez bons pour eux, aimez-les toujours, et puisse l'affection que vous portez à vos autres enfants ne pas diminuer l'affection que vous devez aux miens. » Ai-je mérité en aucune manière cette réprimande? Lucie, Archibald, n'ont-ils pas aujourd'hui tout mon amour, tout l'amour que j'éprouvais autrefois pour vous? Ah oui, soupira-t-elle, que vous éprouviez autrefois, et que vous éprouveriez encore sans doute, n'était mon indigne conduite? Oui, certes, fit-il avec des pleurs dans la voix. « Archibald, écoutez-moi. J'entrevois en ce moment un monde meilleur. Je n'ai plus que quelques secondes à vivre, je le sens. Voulez-vous me bénir? Me dire un mot? Un seul mot d'amour, cela me fera du bien. Cela m'aidera à partir en paix. Mon cœur l'attend, ce mot. Oh, mon âme ne peut s'éteindre sans cela. » C'en était trop. Carlyle ne put maîtriser davantage son émotion. Il se pencha vers elle, releva doucement de son front les cheveux qui le recouvraient, et laissa couler librement les larmes qu'il ne pouvait plus retenir. « Isabelle, vous m'avez brisé le cœur, mais que Dieu vous pardonne, comme je vous pardonne moi-même à présent. » Et sa tête, sa belle et noble tête, se pencha de plus en plus vers les lèvres blêmes et rétractées de l'amourante, et leurs deux bouches, peut-être, allait s'unir dans un baiser d'adieu lorsque Carlyle se redressa brusquement, les pommettes de ses joues teintes d'un rouge vif. Était-ce à la pensée de sa femme ou à celle de l'infâme Levison qu'il se ravisa si subitement? Dieu seul pourrait le dire. « Adieu, » balbutia Isabelle d'une voix mourante. « Dieu vous a entendu et il m'a pardonné, j'en ai la conviction. Jésus me tend la main, il a intercédé pour moi. Nous nous reverrons, Archibald, je meurs dans la joie. » William m'a dit que sa maman l'attendrait sur le rivage. Il s'est trompé, c'est lui, c'est mon petit William qui est là, attendant sa mère. » Isabelle ne respirait plus qu'avec peine. De grosses gouttes de sueur perlaient le long de sa figure, car là elle les essuyait avec son mouchoir. « Au revoir, Archibald, » poursuivit Isabelle d'une voix saccadée presque inintelligible. « Au revoir, dans ces lieux éthérés où nous devons retrouver ceux que l'on a aimés ici-bas. Que votre cœur n'oublie pas la pauvre Isabelle. » « Non, non, » soupira-t-il. « Comment ? » s'écria-t-elle en bondissant sur sa couche et en le regardant avec effroi. « Est-ce que vous me quittez ? Vos forces diminuent, Isabelle, et je voudrais appeler quelqu'un à mon aide. Adieu donc, adieu, pour l'éternité. » « C'est la mort. Oui, la voici, je le crois. Oh, se séparer ainsi, c'est dur, c'est pénible. » Par un dernier effort, par un effort suprême, elle se redressa de nouveau sur le lit, tourna vers lui son pâle visage et s'emparant nerveusement de ses deux mains, elle l'attira à elle et le serra convulsivement contre sa poitrine. Puis elle retomba épuisée sur sa couche. Carla, elle la soutint quelques instants et sa tête s'appesantit de douleur sur l'oreiller où reposait cette figure qui jadis lui fut si chère, et leurs lèvres à tous deux se rencontrèrent dans un dernier baiser, dans un baiser d'adieu. Au bout de quelques moments, Carla, elle se releva. Le dernier combat de la nature contre la mort allait se livrer. Déjà même, tous les traits se décomposaient, et l'on entendait les sons précurseurs du râlement fatal. Carlyle quitta précipitamment la chambre. Sur le palier, il retrouva sa sœur et Joyce qui l'attendaient toutes deux avec une impatience fébrile. Il fit signe à la servante de se rendre auprès de l'agonisante, puis se tournant vers Mademoiselle Carlyle. « Suivez-moi, » soupira-t-il d'une voix brisée, comme lorsque le cœur souffre. Tous deux pénétrèrent dans la salle à manger. Tous les traits de Carlyle étaient contractés, bouleversés. La pâleur malte de son visage reluisait sous le feu de la fièvre qui l'embrasait sans le colorer. « Cornélie, » fit-il en cherchant à dompter son émotion, « vous resterez auprès d'elle cette nuit, vous ne la quitterez point. « Pour qui me prenez-vous » répliqua-t-elle vivement et d'un ton aigre. « Ah, vous avez de moi une bien triste opinion. »« Qu'allez-vous faire maintenant ? » ajouta-t-elle. « Je vais aller au bureau télégraphique afin d'adresser une dépêche à Lord Mountsavarn. »« À quoi cela peut-il servir ? » ?»« À rien. Tout est fini, mais c'est un devoir, et je tiens à l'accomplir. » »« Mais il me paraît que vous pourriez charger l'un des domestiques d'aller porter votre message. »« Vous n'avez pas dîné, Archibald. Vous n'avez rien pris encore. Vous serez malade. » Carlyle demeurait immobile, silencieux et sombre. Sa pensée était ailleurs, son regard triste et effaré semblait perdu dans le vague. Bientôt, cependant, il revint au sentiment de lui-même, et composant sa mine, sa contenance, il s'enfuit en toute hâte de la maison. À son retour, Cornélie l'attendait dans le vestibule. Elle s'approcha de lui et le saisit son bras, elle l'entraîna dans le petit salon. « Archibald, » murmura-t-elle avec douceur, « elle est morte. » Du moment que vous l'avez eue quittée, elle n'a plus proféré une seule parole. Son âme s'est endormie calme et paisible pour se réveiller là-haut.